Bon, eh bien, c'est parti. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et soyez les bienvenus à cette deuxième soirée de la 7e foire de l'absurde au Brouhaha. Merci énormément d'être sur place, hein? Ah oui, on s'applaudit, on est sur place parce qu'on est aussi diffusé en son via Ustream. Alors, tous ensemble, s'il vous plaît, on dit bonjour à ceux qui nous écoutent par Internet. Bonjour! Bonjour, Ustream! Eh bien, au programme ce soir, et avant qu'on écoute les deux folles et un banjo, on va terminer la soirée avec un karaoké avec Mathieu. Ça va commencer vers 10h, 10h15. Et soyez là pour demain. C'est les Caliques, une compétition de caliques de bons clips. Vous allez voir, vous regretterez pas votre soirée. Et on va commencer, tout d'abord, avec une prestation de deux folles et un banjo. Et ça a l'air, c'est une toune qu'ils ont composée pour la foire, c'est ça, Tammy? Hey, ah, okay. Joue pas au plus fin! Moi, je t'ai spoté, hein? Y'a pas de micro, y'a pas de guitare! Pas de guitare! Oh, t'as c'est micro, t'as pas de guitare! C'était si simple. Moi, en fait, ça, c'est juste une petite chanson qu'on avait faite, moi puis Marianne, il y a 2 ans pour la foire de l'absurde, pour faire une petite publicité. Puis on a dit qu'on allait faire une petite vidéo simple, fait qu'on a fait un stop motion. Ça a pris des heures et des jours. Ça a duré des heures, c'était incroyable! Comme quoi, le toutou, c'est inspirant. Un poulet en plastique, un poupon frénétique, plein de malaise magique, toutes sortes de choses psychédéliques. Des DVD, des VHS, un bouclier en forme de fesse, des navets délicieux, puis des cassins niaiseux, à la fond du douteux, du douteux. Alors, bienvenue ici au Brouhaha, en soi, c'est la foire de l'absurde, une gracieuseté de douteux points. Or, on est bien content d'être ici avec vous. Et tout ça au Brouhaha. Alors, mesdames et messieurs, après cette belle chanson, super chanson, veuillez accueillir, comme il se doit, Toto! Toto, c'est l'heure de l'encan! J'ai pas de micro. Ah, j'ai un micro! T'as pris le micro à Tommy? Non, oui, parce que l'autre, en tout cas. C'est-tu que j'ai hâte d'être à TVA, ça va être l'enfer. OK. Sur ce, c'est effectivement l'heure de l'enquête. Avez-vous hâte à l'enquête? Oui! Êtes-vous sûr? Oui! Êtes-vous manipulable? Oui! J'aime ça. OK. Et on va commencer avant. Non, Tommy, avant de vendre le premier lot. On va présenter un lot qu'on va vendre plus tard, mais il faut absolument en parler tout de suite. C'est un cadre d'une classe infinie sur lequel c'est écrit, et je cite, « Le vieux pêcheur ne s'en ira jamais grâce à sa senteur. » De la grande poésie, ce Toto! Alors, c'est un gag, moi, je trouve, personnellement, savoureux. Est-ce que quelqu'un comprend la joke, genre de... Ouais, ouais, c'est que son odeur reste dans la place c'est quand facile. Tu t'en vas. C'est pas mal. C'est une joke qui pue. Ah ouais, voilà. C'est une joke qui pue. C'est tout. C'est drôle, hein? Ça vient avec un magnifique dessin. Mais s'il pue, pourquoi est-ce que l'ours, il était collé dessus en ayant l'air de faire pitié? Pourquoi il y a un ami ours? Parce que l'ours pue. Fait que dans le fond, la joke dit que l'ours pue. Ah, il est lait en esti, hein. Alors, mesdames et messieurs, l'homme qui pense beaucoup trop dans la vie, monsieur Tommy Godette, une grosse main, s'il vous plaît. Et, Tommy, je t'invite à trouver une place pour afficher le dit cadre pour que vous saliviez, bien sûr, tout le long de l'enquête et que vous finissiez par dire « C'est correct, je craque et je vais acheter le fabuleux cadre. » Mais avant que cela se produise, on a... tout un lot pour vous en ce moment. Il s'agit d'un téléphone Disney. Ok, non, attends, vous n'êtes pas accordé. Vous êtes mal accordé. Je vais accorder mon public, si ça vous dérange pas. Je fais ça de temps en temps, je vais accorder mon public, ok? Alors, émotion le fun! Yeah! Émotion triste! Yeah! Quelque chose de cute! Yeah! Quelque chose de surprenant! Yeah! Ok? Fait que là, un téléphone Disney! Ah! Ils sont accordés, ça va bien aller, tout est beau. Alors, Sur ce, c'est un téléphone. Il y a Mickey Mouse dessus. Ça a coûté trop cher à faire pour rien. Puis là, on vous le vend. Semble-t-il qu'il fonctionne. C'est Mickey lui-même qui me l'a dit. Oh! C'est confirmé. Même que ça vient avec des boutons, des chiffres, puis tout. Alors, il y a même un fil. Je l'ai testé moi-même. Tu peux tout faire ce que le monde faisait dans le temps qu'il faisait, fallait peser sur chaque piton à chaque fois. Et rester à côté du téléphone. Oui. Alors, c'est l'époque où un téléphone, ça servait à faire des téléphones. Hein? Voilà. Et ça part, vu que c'est en plastique, à 3$. 3$ ou 25, là, c'est pas clair. 3, 4, combien? 4. Mais ça vaut cher du plastique, là. 5, cher. Merci, voilà. 5, 6, 7. C'est quoi après? 8, voilà. 9, ça va bien, vous savez compter, j'aime ça. Après 9, 12! Ok, non, ça en est une émotion qu'on n'a pas pratiqué, ça. C'est le suspense. C'est 12$! Wow! Une fois. 12$ deux fois. 12 et 25! Ah, ouais! $13! Oh, lui, c'est un superstitieux, 13, ça le rend mal à l'aise, j'aime ça. Ouais, mais si t'es superstitieux pour vrai, tu vas mettre 14 rien que pour arrêter, hein? 13 une fois! 13 et 13! C'est pas réglementaire, mais le gag est bon, je l'accepte. Alors. 13 et 13 une fois! 14! 14! Là, on est à l'aise. 14, là, il est à l'aise. 15$! Merci! Ok, alors c'est définitivement le public d'enquête le plus courtois auquel j'ai eu affaire. J'adore ça. C'est magique. Alors je suis à 15$ une fois. Mais j'en veux pas, moi. De toute façon, la fille là, c'est ma blonde. C'est moi qui vais le ramasser dans mon appartement. 15$ deux fois. 16$! J'aime ça. 16$ une fois. Il est là. 16$ deux fois. 17$! C'est normal éprouvant ce temps-là. Hey, écoute, c'est bienvenue dans mon monde, René. C'est le lot quotidien auquel je fais face. Combien c'était? 17$ une fois. 17$ deux fois. 20$! Et, merci, voilà. Mention honorable à chaque fois que ça devient un autre papier. Hein? Là, c'est devenu 20$, c'est quelque chose, et c'est 20$ une fois. 21$! Attention, mon amour, il faut payer le loyer dans une semaine. Alors, 21$ une fois. 21$ deux fois. 21$ trois fois vendu! René, c'est une merveille à grandes oreilles. Des culottes rouges, des grands boutons. Regardez, c'est ça le bon. C'est toi qui réponds. Viole le câble en tire-bouchon. Mais qui m'a se rend toujours là pour toi. Une série de sourires. Et qui m'a se rend toujours là pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi. Mesdames et messieurs, deux folles et un banjo, come on! Non, c'est un banjo, hein? Ça. On s'entend, deux folles et un banjo, c'est un nom de band, hein? On le sait tous, qu'il n'y a pas de banjo. Hein? Moi, j'aime pas trop ça parce que c'est un des bands que je connais qui a le propos le plus solide. Donc, tu veux pas mettre, mettons, des affaires solides dans un emballage pas solide. Puis ça, je leur dis souvent, là, mais bon, hein, tu sais, c'est leur choix, eux autres. Là. Surtout, il y a un premier album, j'entends. Oui, ben, c'est ce qu'on. Le mot album circule depuis tantôt. Emballage pas solide, tu parlais-tu de nos costumes? Ouais. Non, non, non, absolument pas, je parlais du nom. Hein. Au début, c'était supposé être deux folles qui gueulent la marde. Comment ça fait longtemps que je le dis, je suis pas d'accord. Pour le prochain lot, dans les circonstances actuelles, vu ma position de défenseur de la liberté et tout, bon, c'était controversé. J'ai décidé de laisser Tommy s'occuper du prochain lot. C'était trop controversé pour moi. Alors, donc, ça me fait plaisir de me ramasser avec le dossier hashtag trendy. C'est quelque chose que les plus faibles d'entre vous, les plus influençables, pourraient interpréter comme étant une phrase qui est l'entièreté de l'opposé du féminisme actuel, la manière que c'est supposé se faire. Moi, j'apporte une nuance en disant « c'est juste con, le calme-toi ». Donc, c'est une assiette. C'est comme une œuvre 3D aussi, parce que non seulement je la mets à plat, ça déborde. Ils ont fait un trou en arrière pour qu'on puisse l'accrocher au mur. Donc, l'assiette avait un but d'être accrochée au mur. On commence, ça va bien. Donc, pour défendre une cause, un avocat met sa robe, la femme l'enlève. Moi, ce que je me rappelle le plus là-dedans, c'est que c'est quoi qu'il y a d'important dans défendre une cause de mettre une robe? Ça, je comprends pas. Ensuite, à chaque avocat, son code vestimentaire, hein, c'est... Christ que c'est con, le droit. Là-dessus, ben, on veut de l'argent pour ça, pour payer non seulement les deux folles, mais le reste. Et le reste, je peux pas commencer à vous l'énumérer. 3 piastres. Tu veux mettre ça sur ton... tu veux pouvoir dire qu'on n'a pas parlé plus longtemps. c'est mine. Qu'est-ce qui est écrit sur l'assiette? OK, je l'ai dit. Pour défendre une cause, un avocat met sa robe, la femme l'enlève. J'aime ça aussi, c'est là, c'est comme indéterminé plus. Tu sais, c'est pas... En tout cas, toutes les femmes peuvent enlever leur robe. Et d'ailleurs, si vous avez jamais essayé, ça doit sentir spécial. C'est aussi les derniers vestiges d'une forme d'art qui se perd, c'est-à-dire l'assiette décorative. Faut en parler. Comment t'as dit? Mais c'est, l'assiette décorative, c'est une œuvre, une forme d'art qui se perd. Hein, il n'y a personne qui fait ça. Il faut garder l'assiette décorative vivante. C'est mon combat. Voilà. Donc, on est au moment non, où ça je peut tiens se ça, sur puis je vous demande de l'argent, puis je commence à être malaisé. Qui veut donner de l'argent pour ramener ça chez lui? T'as le droit de tout faire, là. Tu peux la casser. C'est vrai que ça pogne pas. Tu peux tout faire avec après. Non, non, mais pourtant, tout le monde aime les avocats. C'est pas très populaire, ton affaire. Ouais, c'est ça. Bon, ben... Je Oh! 3 piastres pour la pitié, Jean-Baptiste! Moi, j'ai entendu 3 piastres. C'est tout ce que j'ai entendu, c'est parti. Hey, come on! 3 piastres une fois! C'est pour la pitié! 3 piastres deux fois! Et 3 piastres. On n'en parlera plus jamais. Ça. Sur ton mur, un message qui perdure, entouré de dorures. Petite fioriture, oh mon Dieu que ça fait dur. Un message qui perdure sur ton mur, entouré de dorures qui perdure. Pas mal laid. C'est parce qu'ils savaient pas qu'on vendait une assiette, là, tu sais, la toune est là, elle est spontanée, là, tu sais, ah, c'est fabuleux. Mesdames, j'aimerais ça que vous nous lanciez une ou deux des chansons de votre répertoire, que ça vous tente qu'on aille toutes dans la tête. Les gens sont ouverts, ils viennent d'être témoins de pitié. Je pense que c'est la meilleure manière d'en profiter. C'est deux folles et un banjo. Je les adore. Merci beaucoup. Exploser de bonheur. Le Walmart est ouvert jusqu'à 10 heures tous les soirs. Yeah! Faut-tu qu'on fasse une autre tune, là? Désolé, j'ai pas amené mon banjo aujourd'hui. Parce que c'est un banjo magique, maintenant je le protège un peu. Parce qu'il a survécu à plusieurs épopées. Il s'est fait briser en deux, il est en deux morceaux, il s'est fait voler par une craquette, puis je l'ai toujours, il est revenu. Ouais, on... Fait que je le sors pas trop souvent à cette heure. D'ailleurs, ton banjo a su pendant ses épopées ce lien d'amitié avec ton toaster, c'était beau, hein? Oui, c'est vrai. Toaster est revenu! Le toaster à 4 ans, c'est revenu! Avec les toasts dedans? Non. Non, les toasts sont pas revenus, malheureusement. Non, ben, pour ceux qui connaissent pas l'inside, on s'est fait voler notre toaster puis nos guitares. Puis elles sont toutes revenues. Elle est belle. Au printemps, on peut voir les chiens. Ce ukulélé-là, c'est vintage. C'est lo-fi. C'est la mode. C'est dégueulasse, sérieux. Encore pour deux fois, les banjos! Wow. Et là, je vois les questions dans vos visages. Moi non plus, je comprends pas tout. C'est normal. C'est comme ça. Faut le vivre. Chien. C'est facile. Ah, ouais. C'est définitivement moi qui est un câble. C'est correct. Il n'y a aucun problème. Ben, j'aurais jamais osé le dire, Toto. Non, mais il n'y a aucun problème. Je vis très bien avec ça. Le toujours bien habillé Tommy Godette qui m'accompagne, mesdames et messieurs. Et là, qu'est-ce qu'on vend en ce moment, Godette? Attends un peu. Est-ce que c'est tight, hein? Tu sais, je fais des farces, là, mais j'ai vraiment hâte d'être à TVA pour vrai. Parce que, tu sais, ça marche pas de même. C'est un peu plus tight. Là, pourquoi t'as amené ça? Godette, c'est pas tight. Là, c'est le bout où vous jasez entre vous autres, vous connaissez votre voisin de table, faut vous demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Oh! On a quelque chose. Oh oui! Mesdames et messieurs, il me fait plaisir de vous présenter un bon ami à moi, le cadre Terrebonne Respire la vie. Je peux-tu le voir? Écoute, il est assez quelque chose. Elle respire la vie, hein? Ça c'est clair. Ben, je sais pas si c'est elle ou Terrebonne, en tout cas l'histoire ne le dit pas, mais quelqu'un respire la vie solide en quelque part. Proche de Terrebonne, si on a compris. Ça s'accroche, là, tout. C'est un vrai cadre, là, en boîte, le kit. Et, je sais pas, ça part à 3$. Yes! Alors, regarde-moi pas cette fois-là. Je sais pas, t'avais le 3$ facile tout à l'heure, toi. 3$! 3$! Je l'ai. Moi, tu. 3,25! J'aime ça. 4! 4 une fois. 5! Merci beaucoup. Terrebonne respire la vie, on ne dira jamais assez. Combien? 6$! Une fois. 7$! Une fois. 7$. Deux fois. 7$ trois fois vendu! Godette. Travail, là. N'importe quoi. Puis là, t'as pas d'autre chose, là. Ça fait une demi-heure que je parle, t'as pas trouvé d'autre à faire avant? Ah ouais! Ça a-tu été vendu, là? On l'a vendu à 7$! Au monsieur là-bas, qui sait pas que cette photo-là est trouvable sur Internet. Bon, Terrebonne, Terrebonne! Il fait bon, il vit! Achète-y une maison pour le bien de tes poumons. C'est sûr et certain que la municipalité de Terrebonne a déjà payé plein de milliers de dollars pour avoir un jingle bien moins hot que ce qu'on vient d'entendre là. Merci encore une fois à Deux Folles et un Banjo. On poursuit l'enquête avec un cadeau de... Ici, en fait, c'est une trouvaille de notre enquêteur en chef, Étienne Forêt, qui était finalement très occupé ce week-end. Vous le reconnaissez, tout le monde. Son nom, c'est Victor. Ici, ce soir, il a acheté en spécial à 5,99. C'est très rare qu'on investisse autant de gros argent dans une affaire pour l'enquête de quoi que ce soit, de douteux. Mais tout ça pour dire que vous voyez Victor a un ventre et une entrée USB. Donc, vous pouvez mettre les clips que... Tu sais, genre Chris Crocker qui dit « Leave Britney alone ». Ça... Hein? Tu peux mettre Johnny Crying puis les quenouilles sur le ventre de Victor et tout le monde va comprendre quel est ton propos. Il est encore emballé. C'est un peu triste quand tu y penses. Il y en a qui disent qu'ils veulent l'avoir. On commence à 3$. Peux-tu voir l'objet, là? Ce sac n'est pas un jouet. On veut voir l'objet. C'est un personnage juste pour rire. C'est Victor, la mascotte de Juste pour rire, avec un écran USB. Oui. Le mot gaspille atteint de nouveaux horizons. Là. Faut qu'on écoute un peu dans la gêne en mandat là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que j'entends des gens qui... 3 $ ça me va. Ça me va. 4 $ Oubliez pas que ça se plug USB. Wow. OK, 5? Ouais, oh, ouais, 5. C'est un beau cadeau de Noël. Effectivement, effectivement. C'est 6 $ ça s'emballe bien, ça s'oublie bien. Carte photo. Cadre photo. Ils appellent ça un cadre photo, eux autres. Ça. Ils appellent ça un cadre photo. Sacrement. Savez-vous que c'est pendant l'ère baroque que les artistes, qui étaient à l'époque surtout financés par des mécènes, ont décidé d'abuser du mandat qui était comme le standard en créant, en étendant leur œuvre sur le cadre. Parce qu'il était écrit « Fais-moi une peinture et encadre-la ». Mais la peinture, la commande était très précise, tandis que le mot « encadre-la », c'était très peu précis. Et donc, les artistes de l'époque, ça a été une des façons... de mettre leur marque, et le baroque vient beaucoup de ça. Oui? C'est la même chose. Non, non, non, je trouve ça intéressant, là, ton affaire de baroque, c'est pas ça? Ben oui, je suis rendu à 3 piastres deux fois. Ouais! Hey, c'était 4 piastres! On a... Hey, t'es rendu à 5 piastres une fois! 5 piastres deux fois! Oh! Tasse-toi, là. 7 $ Non, je 6 $ une fois! 6 $ deux fois! 6 $ trois fois vendu! C'est la mascotte la plus hâte, le Télétobies de juste pour rire. T'aurais jamais pu t'imaginer pire. C'est toi qui pars avec. C'est toi qui pars avec. C'est toi qui pars avec. C'est toi qui pars avec. C'est toi qui pars avec. C'est toi qui pars avec. C'est toi qui pars avec. Feras-tu projeter sur son ventre? Que feras-tu projeter sur son ventre? Yeah! Oui, ben oui! Ouais! Mesdames et messieurs, pendant que Godet assassinait mentalement la majorité d'entre vous, je cherchais des choses derrière. Et j'ai trouvé définitivement un des objets les plus laids que j'ai vu de toute ma vie et incompréhensible. Il s'agit de deux vieilles personnes en caoutchouc dans un bain avec des bulles. Oh, il fait quelque chose. Pour ceux qui nous écoutent en audio, là, alors, ben, ils sont en train de faire des choses dans le bain pendant que la musique qui joue. C'est La La La A Night Long, Père Noël style. 5 $ Ça va vite. C'est de même. C'est parti. 5 $ 8 $ 10 12 Oh yeah, j'aime ça. Ça joue. 15 15 une fois. 15 deux fois. Combien? 18! Ça groove en tabarnak, man! Ça, ça, ça, le rythme est bon, là! C'est pas lent, là, quand ils font ça! 18 une fois! 18 deux fois! Oh, Seigneur! 18 trois fois vendu! S'embrouler coulant. Hey, Un chien qui fait des bulles, ça fait penser un petit peu à l'autre jour. Il y avait tout le temps tendance à prendre un bain pendant les soirées de Noël, les réveillons, tu sais, en plein milieu de la place avec ma tante Germaine. Non, en fait, c'est Gladule, c'est ça. Donc, Gladule. Vision OK, hey, la gang, ceux qui sont dans le public présentement, on a un petit message ici pour vous. J'ai un coupon qui donne droit à une pinte de bière gratuite. La première personne qui n'a pas gagné le concours encore et qui va poster une photo sur la page de l'événement, des deux folles et un banjo en prestation, je lui donne le coupon. C'est pas plus compliqué. La première photo que je vois est d'une personne du public de deux folles et un banjo sur la page de l'événement de la 7e foire de l'absurde, je lui donne le coupon. On n'a plus les mêmes concours. Moi, dans mon temps, c'était des wet t-shirts, des trucs de merde. Non, bon, on voulait, mais Tommy, il voulait pas. Je pensais qu'il était en train de nous mettre à l'encan. Non, c'est ça, je trouvais ça un peu... Oui, alors j'ai deux folles et un banjo, ça part à 3$. Non, c'est une blague. Mais, ceci dit, je vous les laisse quand même parce qu'ils vont nous interpréter une ou deux chansons. Mesdames, le plancher est à vous. Mesdames, messieurs, deux fois les un banjo! Tabarnak, c'était quoi ça? C'est quoi ça? C'est-tu moi? Une virue, deux virus, trois virus, c'est quatre virus, cinq virus, six virus, c'est bien. Sept virus, huit virus, neuf virus, ça commence à prendre la place. Dix virus. C'est vraiment dégueulasse. 11 virus, 12 virus, 13 virus, c'est pas bon. 14 virus, 15 virus, 16 virus, c'est trop. 17 virus, 18 virus, 19 virus, t'as l'air d'un crapaud. 20 virus, achète-toi un chapeau. 21 virus, 22 virus, 23 virus plus tard. 24 virus, 25 virus, 26 virus, il était trop tard. T'as fini par exploser, y'en avait tout le quartier. Ne restait plus que des talons et cette jolie chanson. Yeah! Une virus, deux virus, trois virus, c'est rien. 4 virus, 5 virus, 6 virus, c'est bien. 7 virus, 8 virus, 9 virus, ça commence à prendre la place. 10 virus. C'est vraiment dégueulasse! Ça marche-tu, cette affaire-là? Mais au pire, pendant qu'on arrange ça, on peut peut-être continuer l'encan? Merci. Il me faut un gars qui n'est pas de la gang. Christian, c'est un gars de la gang? Ah, tu veux du micro? T'en as-tu un, Tommy? Quoi? Une verrue, deux, trois. J'ai dit prendre l'autre, Tommy. L'autre micro. 5 virus. Hey, c'est vrai qu'il va mieux. Donc, ouais, ben, le micro 2, je pense qu'il marche plus. Lui, là. Toto, c'est un membre de Douteux depuis plusieurs années et c'est aussi quelqu'un qui a de la difficulté à faire la paix avec son sens de la créativité. C'est quelqu'un qui a une imagerie qui a emprunté à d'autres choses qui est très forte. Et le lot qui s'en vient, ça mélange un petit peu. Non, non, c'est moi qui parle. Ça mélange un petit peu tout ce que je viens de dire. En fait, tout le monde fait... Non, non, pas tout le monde. Beaucoup de gens font des petits doodles en téléphonant ou en se branlant, en faisant d'autres choses qui font paraître. Je suis un artiste. Donc, ce soir, Toto, sur une toile innocente qui était blanche avant, a décidé de faire son doodle à lui. C'est sa première œuvre officielle. Ce n'est signé nulle part. On... $3. On dirait que ça aide pas pour l'engouement. Attends, attends. C'est la voix. Donc, Toto a essayé d'incarner son imagerie à lui. Vous allez reconnaître tout ce qui est précieux au monsieur. On parle de liberté, on parle de droites qui sont croches. Le chapeau de cow-boy, le double menton. Donc, tranquillement, je le tourne. Fais pas ça. Le laisser aller, hein? Donc, plusieurs ici sont déçus, d'autres ne sont pas surpris. Il a fait ça et humblement, il nous la présente. Il va écrire un poème aussi en arrière. On m'a dit c'était pour parler de liberté de céréales sucrées le matin. C'est un petit peu ça, la liberté, dans le fond, hein, les céréales sucrées le matin. Il y a Jimbo qui joue à Metroid et qui est rendu dans la place où il y a la Varia en arrière. Oui, on salue d'ailleurs Christian Moret. C'est lui qui a gagné le concours. Hein, il a tagué plus vite que tout le monde ici. C'est le tagueur. Sauf que je suis pas capable de faire des étoiles, fait que c'est ma blonde qui les a faites. Les étoiles. Moi, j'ai une question. Ta bouche puis ton menton, c'est comme la même affaire? Y'a personne qui comprend jamais mon dessin. C'est parce que la moustache du dessus, elle cache la lèvre du dessus. Donc, je veux pas qu'on se perde. On est ici pour donner de l'argent en échange de Toto. Continue de nous faire des affaires de même. On comprend très bien, hein? Le gars s'est fait chier sa tête. Et ça y a coulé ici dans quelque chose que... on commence un petit peu comme d'habitude. Ben là, à partir de maintenant, je pense que j'ai établi les bases du contour et le contexte. C'est la septième tentative de chapeau et c'est la plus belle. Alors, je tiens à souligner, parce que oui, il s'agit bel et bien d'un chapeau qu'il porte sur la tête. Alors, comme c'est fait avec, je sais pas, des vraies couleurs, mettons... Et ça part donc à 3$. 4. 5. Et ça t'habille une salle de bain en 3 secondes, je te dis. 5. Écoute, c'est moi qui l'ai dessiné et c'est de loin une des choses les plus laides que j'ai vues de l'histoire de l'histoire de ma vision, genre. T'sais, depuis que je vois, genre. Non, j'ai pas fait exprès. C'est le même. Et pour ceux qui aiment, qui apprécient l'art visuel, qui aiment observer les coups de pinceau puis la subtilité des lignes, ben je vous conseille d'autres choses. Alors, j'étais donc à 5$ une fois. Come on. Ça m'a pris presque une heure. 5$ deux fois. 6$, merci. OK, non, hey. Attends, là, vous êtes détuné, là. Vous êtes détuné. 6$! Une fois. 6$. Deux fois. Si on te tue. Toi, tu t'es dit, je vais établir un contact avec le gars. M'a commencé une phrase par « si je te tue ». Là, tu penses qu'on va avoir comme des bases. OK. Mais ben, la peinture va valoir plus, peut-être. Mais tu seras pas gentil. Alors, ça s'annule. C'est comme tu veux. Je t'ai rendu à combien? 6? Je t'ai rendu à combien de fois? Je t'ai rendu à deux fois? Hey, moi, je ne laisse pas partir à 6$, Chris, c'est à moi, je mets 7$! Tu vas me dire, c'est de ma faute? C'est pas vrai que 6$, c'est mon sang, pis tout. Ça, c'est mon sang, ça, c'est pas de la couleur rouge, c'est mon sang. Pis ma soeur, pis tout, j'ai tout mis là-dedans. 7$ à moi, une fois? 7$ à moi, deux fois? Ben, allez chier, 7$ à moi, trois fois vendu! Il se l'a acheté lui-même. Non, c'est pas grave, mais en revendre demain. René, je ne sais pas ce que c'est, mais la seule chose, c'est que c'est vraiment laid. Je ne sais pas ce que c'est non plus, c'est mais pas c'est pas vraiment laid. Vraiment laid. J'y penserai même pas, ma petite monnaie, c'est tellement laid. On t'encourage à continuer à dessiner. Tu apprendras à peinturer des aigles et des loups et des drapeaux américains et des drapeaux américains et des drapeaux américains. Je parle. Donc, tu es. Je parle, donc je suis. En fait, ce soir, il y a Charas qui était supposé passer nous faire une performance. Oui, Charas de Meux. Ça a été une longue discussion. Ça n'a pas été facile parce que présentement, il est très occupé à se crisser de tout. Et là, je disais, oui, on sait que tu sais, ça prend pas mal tout ton temps, mais tu pourrais peut-être venir nous en parler, genre. Et il y a des fois que ça lui tentait. Puis là, ben. En fait, ce qui est arrivé tantôt, c'est que là, on avait booké quelque chose, un événement spécial pour ce soir, ce samedi. Tantôt, il a dit « Allez chier, finalement, ça me tente pas. » Là, il a dit « Là, je t'envoie chier toi. » Là, j'ai dit « C'est le tu pluriel. » Puis il a dit « Oui. » Donc, c'est parce que ça y tentait pas de te voir qu'il est pas venu à soir. Ce nonobstant, il va être là demain. C'est Charas. Il faut vivre avec. Sinon, ben, y a un de nos très bons comparses, Mathieu Boudreau, qui avait préparé quelque chose pour notre soirée avant qu'on sombre dans le karaoké tranquillement. Parce qu'on veut pas vous vendre sombrer, des cossins pendant trop longtemps. On veut aussi donner la place aux deux folles qu'ils ont envie de prendre. Toi, Toto, tu es en train d'aller chercher un autre lot. Ah oui, c'est ça, je veux dire. Ah oui. Parce que. Il n'y a personne encore qui a réussi à expliquer la peinture qu'il y a là-bas dans le coin. Donc, moi, je flotte entre l'envie de Mathieu. Oui, est-ce que tu peux venir nous parler de la chose qu'on a parlé tantôt, qu'il fallait que tu viennes nous parler pendant que Toto passe à autre chose? Je l'entends parler en arrière. Merci d'être avec nous pour la 7e foire de l'absurde. Mathieu, ça me fait plaisir de te laisser le micro pour les entertainer. Je suis un peu nerveux. Salut. Je sais pas si tu te rappelles de ça. C'était une fille un peu bizarre. Elle habitait rue du Cafard. Elle aimait l'amour dans les bars, les caresses sous son blouson noir. Et puis on s'est quitté un soir. Fallait s'y attendre, il faut croire. Au moment de se dire adieu, il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. Elle chantait « Da-dam-dam, da-da-dam-dam, da-dam-dam, da-da-dam-dam. » Deux ou trois années sont passées. Je l'ai vu derrière la fumée. Au bout d'une nuit, au fond d'une vie, une soif jamais assouvie. Elle a trouvé un groupe de rock, une riff de guitare qui accroche. Elle a fait fureur à New York avec une chanson bizarre qui faisait... À force de toujours vouloir s'envoler vers les îles éphémères du rêve, un jour, elle ne s'est pas réveillée, s'est retrouvée au cimetière. Et le soir de ses funérailles, sous la lumière du réverbère, dans le cortège contre le vent, on avançait tous d'un pas lent. En chantant. Ne manquez pas la semaine prochaine où je ferai l'inaccessible étoile de Jacques Brel. Allô? Est-ce que ça va bien? Oui. Mesdames et messieurs, les deux folles, come on! Ouais! Elle est full blues, j'adore ça. Alors, on va y aller avec un dernier lot dans le camp. Oh, oh non! Oh! Mais après ça, on va faire du karaoké! Yeah! Puis m'a chanté du country en masse. Oh! Oh! Mais avant ça, on va vendre un dernier lot dans le camp. Asti, qu'elle est belle! Je l'avais comme un peu oublié, là, parce que ça fait comme, je sais pas, 8 minutes, j'ai pas vu. Fuck, elle est belle. OK. Sur ce, on va y aller avec le dernier lot que je vais aller chercher quand Yannick sera plus là. C'est Yannick, mesdames, messieurs. Yannick Lepal, technicien. Alors, on y va avec un de mes lots favoris qu'on avait gardé pour des gens géniaux. Mais ils sont pas là, fait que là, on va le vendre. C'est un rêve, un rêve. C'est un tapis de boule des Chevaliers de Colomb. Oh, pour de vrai? Pour aider le lombago du chauffeur de taxi seul. Hein? Voilà. Ça se met... D'abord, c'est beau. Hein? On va arrêter de se mentir. C'est brun et beige. C'est brun et beige. Tu sais, des couleurs qu'il faut absolument mettre ensemble. C'est des filles de bois. Et tu mets ça sur un siège d'auto ou dans une chaise berçante. C'était vraiment comme Mémère Bouchard style. Et... Oh, j'ai déjà un prix. Alors, c'est parti. 2 $ Il y en a besoin. Il y en a besoin. Ça, c'est 5 $ Hey, Toto, tu peux faire une bonne joke à ta belle-mère avec ça. Tu le mets en tapis de salle de bain. Puis là, tu tues ta belle-mère. C'est vrai que c'est drôle. Donc, j'ai 2 $ Oh, non, c'est vrai, j'ai 5. Hey. Oh. Non, mais c'était juste pour voir si lui suivait. Il suit, c'est un estitant, je l'aime bien. OK. 5 $ une fois. 5 et 25. Fais pas des promesses que tu peux pas tenir. J'ai-tu 10? Alors là, c'est pas gentil, il pige dans son budget de bière. C'est pas correct. Mais je suis à 5 et 25 une fois. 6! Oh, il y a du beef, j'aime ça. Si vous voulez, là, il y a une excellente façon de régler les conflits, et ça, c'est efficace tout le long de la foire. Derrière, à côté du Nintendo, il y a un jeu de table qui s'appelle Rebound, un jeu qui date des années 80 en plastique brun, hein, du plastique brun. Et c'est idéal pour régler les conflits. D'ailleurs, je prends n'importe qui pendant le karaoké et je vais gagner parce que je suis meilleur que tout le monde à Rebound. Alors, sur ce, ben écoute, Davio... Put your money where your rebound is. Alors voilà. Sur ce, j'étais à 6 $ une fois. 7 $ Là, il commence à piger. Ça, c'est du crédit. Ça, c'est de l'argent qu'il n'y a pas, cette pièce. J'adore ça. 7 $ une fois. 8 $ Oh, attention, il y a une offre ici. Je vais te donner un ticket de bière si tu arrêtes. Et je souligne le arrête. C'est très féroce. Drôle. Oui, vraiment. Vraiment. Alors, 8 $ une fois. 8 $ deux fois. 8 $ trois fois vendu. Une petite bille brune, deux petites billes brunes, trois. Oh! Mesdames et messieurs, Dr. V qui remporte son lot de billes en bois avec de la sorcellerie. Je sais pas comment il a fait. J'adore ça. Donc, mesdames et messieurs, avant de se lancer dans le karaoké, en fait, ça fait 7 années qu'on fait la foire de l'absurde. Et à toutes les fois qu'on veut faire un karaoké, on se rend compte qu'on load trop la soirée avant que ça arrive. Ce soir, on s'est dit, on va mettre moins d'affaires et on va se ramasser avec, comment dire, le karaoké à une heure décente pour qu'on se saoule dans le mood de la chose. Il nous reste plein de festivités encore demain et après-demain et ce soir, parce que là, on va écouter Madame Marianne et Madame René, parce que deux folles, j'ai bien la misère à comme faire le lien. C'est donc le nom de leur band, c'est deux folles et un banjo. Il n'y a pas de banjo, il n'y a pas de folle, mais bon, c'est ça la vie. Moi, vous trouvez un autre band. Oui, ouais, ça va me faire plaisir. Le concours est lancé. En attendant, elles vont nous faire un petit set acoustique. C'est le moment d'attention que j'ai besoin de vous. Après ça, ben, on va avoir monté les patentes puis le reste pour faire du karaoké pendant... Ouais. Ouais.